Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Comment allez-vous? Et bienvenue dans la matinale, que vous soyez du matin ou pas, on est là dès 10h, la tête dans le cul dans le brouillard, comme dirait un grand poète. Oh là là, mon dieu. Ce qui fait bizarre à Chloé, c'est quand même qu'on se lève à 9h et de 9h à 10h, je dois décrocher en tout 3 mots. Et dès que 10h passe, dès que le générique passe, je dis de la merde. Moi, je suis pas prête pour autant d'un coup. D'accord, tu sais. Oui, évidemment, ça va sans dire. Comment ça va, Doug? Comment ça va, Chloé? Moi, je me suis réveillé il y a même pas une demi-heure, mais j'ai eu le temps de prendre un café, donc aujourd'hui, c'est cool. Du coup, vous allez avoir une petite voix comme sur FIP à 4h du matin, un petit peu rauque, un petit peu enjôleuse. Ouais, je peux essayer, ouais. Vous faites déjà rêver nos auditeurs, j'en suis sûr. Le cauchemardé, je pense plus. Mais et vous, Chloé, comment ça va? Moi, j'ai bien dormi. Je crois que j'ai fait un rêve bizarre, mais je m'en souviens plus. Oh. Mais en ce moment, je fais vraiment plein de rêves, donc c'est cool. J'avais un peu arrêté d'en faire, et depuis le confinement, j'en fais plein, et donc ça, c'est chouette. Donc, faudrait que je les note quand je me réveille. Ouais, comme ça tu pourras sortir un recueil de rêves. De confinement recueil de rêves de confinement. Les rêves du confin de la nuit. Oui, oh. Que je pourrais. Et après, je ferai un podcast où j'analyserai les rêves des gens. Bonjour. oui, mais après, ça va. Je crois que j'ai fait un rêve qui était un peu bizarre, mais moins bizarre que le rêve que j'ai fait samedi dernier, qui était extrêmement perturbant. Ah oui, oui. Ouais. Je sais pas s'il se raconte à l'antenne. Je sais pas s'il se raconte à l'antenne. Franchement, il était dégueulasse. Aujourd'hui, nous sommes, pour tous mes auditeurs qui ont un peu du mal à suivre. Ah bah tiens, un rêve. Hubert Félix Typhon qui nous dit bonjour. J'ai rêvé qu'on devait accueillir des drag queens en confinement et que ça se transformait en orgie. Merci RuPaul. Être célibataire en confinement, c'est le risque de voir ressortir pas mal de désirs refoulés dans ses rêves. Voilà. Posez-vous des questions, Hubert Félix Typhon. Ou touchez-vous, tout simplement. J'ai rêvé de camion cette nuit. De camion? Mais non, mais c'est mon désir refoulé, c'est ça. c'est les camions, putain. aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu du mal à suivre, ça va? Tu t'étouffes pas? Ouais, mais ça va, c'est pas pire. C'est pas pire. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars et c'est déjà la 10e émission, 10e matinale qu'on fait. Ouais. Ouhouhouhou. Mardi 31 mars, alors aujourd'hui c'est la journée internationale de la visibilité transgenre. Yay. Bravo. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Moins yay. Allez, c'est RLS pour tout le monde. Aujourd'hui, nous vous souhaitons une très bonne fête au Benjamin. Ou Benjamin. Oui. Benjamin ou Benjamin. Bonne fête, Bimomo. Bonne fête, oui, Bimomo, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'appelle Benjamin, on a tendance à oublier ce truc-là. Zoukozouli nous dit Radio Boncon à 2 semaines aujourd'hui. Ah, et Mona qui précise, Madame Mona précise ma cure de sébum aussi. Beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. Bonne fête Benjamin Griveaux, nous dit Ophé Zoukozouli. Oui. Évidemment, on pense à sa bite. Ouais, oui. Et on pense à Benjamin. Lui qui doit être bien content de tout ce qui se passe parce qu'on a assez vite oublié ses nudes finalement. C'est vrai. Si vous envoyez des nudes, attention à ne pas faire une Benjamin Griveaux. Ou alors faut vraiment prévoir une pandémie dans les 2 semaines qui suivent, quoi, pour histoire que tout le monde vous oublie. Bonne fête au Benjamin Pavard aussi. Pavard, deuxième poteau Pavard. Ouais. Ah, il m'a tellement fait pleurer. Ça, c'est un homme qui m'a fait pleurer plus que Poulvorde dans les émotifs anonymes. Hein. Qui c'est qu'on connaît d'autres qui s'appelle Benjamin? Benjamin Castaldi, voilà. Ah, merci. Yes, bonne fête, youpi. Bon bah balancez vos Benjamin. Voilà. Balance ton Benjamin. Balance ton Benjamin. C'est l'hashtag de la journée. Benjamin, présent. Voilà, allez pour la fête. Benjamin. Voilà. 31 mars 1889, c'était l'inauguration la prise de la Tour Eiffel. Ah non, c'est pas ça. Ah, Benjamin Biolay. Ouf, l'aventure, quelle aventure. C'était mon imitation de Benjamin Biolay. Ah ouais, waouh. Non mais c'est pas mal non, de moi, faire le sous-titre. Il dit juste l'aventure. Benjamin Bouton. L'aventure, quelle aventure. Donc oui, tout le monde s'en bat les couilles en fait, que ça soit l'inauguration de la Tour Eiffel aujourd'hui. Non, ah oui, la Tour Eiffel, c'est voilà. Le truc pointu là. And to finish the flyboot. Vous voulez pas? Non. And then the Eiffel Tower. And to finish the flyboot. C'était une pub qui prenait tous les clichés de Paris, vous vous souvenez pas de cette fois? Wow, c'était une pub pour quoi? Aucune idée. Yes. Eh ben, si vous avez la réponse, chers auditeurs. And after, we go to the Eiffel Tower. Mais ça me dit vaguement and quelque chose. And to finish the flyboot. Flyboot. Ah putain, le bateau. Ah oui, okay. The flyboot. Alors si quelqu'un a le nom de cette pub, franchement, donnez-la nous parce que je ne sais absolument pas de quoi parler cette pub. Je suis sûr que tu cherches sur YouTube pub flyboat. Flyboot and after the Eiffel Tower. Aujourd'hui, 31 mars 2011 aussi, c'est la date où Mayotte est devenue un département français. Voilà. Ce sont les choses qui sont arrivées un 31 mars. Ah merde, si j'avais su, j'aurais pris la petite réplique du quoi ça là de Macron, là, ça aurait été bien sympa là. Ouais. Petite remarque un petit peu condescendante. On pense à eux très fort parce qu'à Mayotte, les hôpitaux c'est une catastrophe. Donc on pense très fort à eux. Du jour au lendemain, comme ça, Mayotte est devenue un département quoi. Oh putain. Alors, je comprends l'intention de ce jeu de mots, mais pour vous, dans votre petit monde imaginaire, d'où qu'est-ce qu'une yotte? Ah bah, c'est à Chloé de nous le dire, hein, tu parles de sa yotte. Non, mais tu sais qu'Ophélie faisait la même erreur quand elle était petite, mais genre quand elle avait 5 ans, elle avait dit, on est allé au Canada, on est allé à Montréal, elle a dit, mais je veux pas aller à Montréal. Voilà. C'est le même genre de blague, et elle avait 5 ans. C'est chou, c'est mignon. C'est mignon. Je vois que vous avez attaqué les anniversaires, oui. Si je peux me permettre, avant toute chose, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma petite sœur Yuna. Allez. À quel âge? Alors, 97, 23 ans donc. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors, on a une précision de Soukouchou. Non, c'était Montpellier et non Montréal. Ah pardon, oui, ton Montpellier, tu disais. Oui, d'être Montpellier. Mais ça marche aussi avec Montréal, hein. Excuse-moi. Est-ce que je laisse la musique en fond, oui, là, la musique, parce que joyeux anniversaire. Ah, ouais, bah oui, parce qu'en plus, ça va nous permettre de faire une transition de qualité pour dire à ta frangine qu'elle partage son anniversaire avec plusieurs personnalités, notamment, non pas René Lataupe, mais René Descartes, qui est né le 31 mars 1596. Elle partage je également. Pense donc je suis, hein, magnifique. Exactement. Elle partage son anniversaire avec également Christopher Walken, que vous avez pu voir dans Annie Hall ou encore Sleepy Hollow. Elle est en Pulp Fiction, hein. On se rappelle que c'est lui qui cache, c'est quoi, cette montre dans son trou du cul qu'il offre à Bruce Willis enfant. Voilà. Dans le clip de Fatboy Slim. Ah oui, mais purée. Excellent, ouais. Comment s'appelle le morceau? Je crois que c'est Pouge Tempo. Vous êtes sûr? Ouais, où il danse pendant 4 minutes. Voilà, on ne savait pas si athlétique d'ailleurs, mais magnifique clip. Je cherchais ça tout de suite. Alors, si vous êtes. Tout à l'heure, c'était la Société Générale. Oh merde! Ok. Un joyau. D'accord. Eh ben, on s'en souviendra absolument pas que c'était pour la Société Générale. C'est ouf, hein? Si vous êtes né aujourd'hui, vous partagez votre anniversaire avec Al Gore, Vous partagez également votre anniversaire. Al Gore, on précise peut-être Al Gore, tout le monde... Al Gore, homme politique américain, voilà. Réalisateur de documentaires aussi, ouais. Également. Hyper écolo, écolo sur le papier. Sur le papier, oui. Yann Moix aussi. Waouh, la chance. Yes. Il est né aujourd'hui. Donc si vous êtes une jeune femme de 25 ans, envoyez vos messages à Yann Moix voilà, pour lui fêter un bon anniversaire. Si vous êtes une vieille femme de 26 ans, c'est mort. Oh non. Ah bah c'est le problème avec Yann Moix, hein, il a des exigences très particulières. Mais en fait, c'est vraiment super réalisateur hein, en plus. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il a fait comme film, Yann Moix? Il a fait un film très très nul avec Franck Dubosc. Oui, mais de toute façon, voilà. Vous pouvez vous arrêter j'ai là. J'ai même plus le nom du film tellement oui, c'était de la merde. Oui, mais de toute façon, un film avec Franck Dubosc, quoi. Oui. On rappelle aux auditeurs que ce n'est pas déjà le jeu de fin de matinale. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un film qu'on fait deux, je précise. Alors, les deux derniers qui me restent là à dire pour les anniversaires, on aurait pu choisir... Non, le choix a été, comment dire, assez martial, pour le coup. Alors, c'est l'anniversaire de Cindy Sanders aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cindy Sanders qui chantait « Papillon de lumière ». Elle avait fait un télécrochet ou elle était... Elle avait fait la Nouvelle Star. Ah, mais c'est ça, elle était pas elle a fait pas la gratos, Nouvelle quoi. Star, et après, elle a été repérée, donc elle a fait... Les castings, elle a ouais. Fait, oui, c'est ça. Elle a fait ce qu'on appelle un buzz sur Internet. Elle a sorti « Papillon de lumière ». Et ensuite, elle a un peu, comment on dit, un peu disparu. Et elle a été retrouvée par Thierry Mugler, qui l'a choisie pour être la lead singer d'un show qui fait en Allemagne, un truc comme ça. Et genre, il l'a coachée de malade, il lui a fait perdre à balle de poids. Et là, maintenant, c'est une espèce de diva de ouf qui joue dans des, qui est meneuse de revue dans un, ah bon, dans un truc de Thierry Mugler. Oh la vache. Voilà. Pour les news de Cindy Sanders. Alors, par contre, je n'ai aucune idée de comment ces infos-là sont retrouvées dans mon cerveau. Je suis désolée. Ok, donc ça montre quand même que même si vous n'avez pas de talent, que vous ne savez pas chanter, que vous n'êtes pas doué, eh ben, apparemment, il y a une chance pour bah, tout elle le est monde. Mieux. Non, mais maintenant, elle sait bien. Enfin, elle sait chanter, apparemment, maintenant. Il lui a filé des cours de chant. Ok. Enfin, donc, bon. C'est, voilà. Donc, on peut en partir tout cas, de très, vous pouvez très retrouver Cindy Sanders en meneuse de revue en Allemagne. Voilà. Après, si la revue, c'est l'équipe Automoto, voilà. et aujourd'hui, alors pour moi, c'est le meilleur anniversaire de la journée. Aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord. D'accord. Moi, c'est bah, ma soeur, avec ta sœur, pardon, voilà. Avec ta sœur, je trouve qu'elle est vraiment très chanceuse de partager son anniversaire avec cette personne. Et cette personne, c'est Ewan McGregor. Alors du coup, j'avais une carte Moulin Rouge que j'avais le droit de jouer une seule fois. Et donc du coup, je l'ai utilisée aujourd'hui. Et donc, je suis très contente. Mais si on peut parler un peu d'Ewan McGregor parce qu'il a fait des bons films à côté de Moulin Rouge. Il a fait plein de trucs trop bien, Ewan McGregor, à part quitter sa femme pour une femme plus jeune. Mais il a ah fait bon sinon ah plein ça, de bah trucs très très bien. Vous êtes vachement plus au courant quand même des potins d'acteurs que des filmos. Comment c'est non, possible mais tout Ewan ça McGregor, mais d'accord. Trainspotting. Star Wars. Je pense que les tas de gens le verront d'abord comme Obi-Wan. Voilà. Bah bien ouais, sûr. Mais surtout qu'il risque de remplir pour une série que sur Obi-Wan. Ah bon? Ouais. Une série ouais. En mode télé, Netflix Enfin, c'est une grosse production, je sais pas sur quelle plateforme. Oui, c'est vrai que maintenant, on a tellement. Sûrement la plateforme Disney, d'ailleurs. Ok, et vous savez quand est-ce que ça se situerait, vous qui êtes très informé sur le... Peut-être que Loyo va nous dire, vu qu'il est très, très calé sur... Ouais. On va faire un appel Loyo. Voilà, Loyo, dis-nous. On va dire Loyo. Ah bah il est déjà en train d'écrire sur le chat, je sens qu'on va avoir des infos toutes fraîches là sur Ewan McGregor. Ce serait pas. Eh ben on vous les donne juste après l'avoir écouté chanter. Et parce donc que... et donc c'est une, je précise, c'est une chanson qui oui et il a fait I Love You Philip Morris qui est super et donc il a aussi fait. Il a joué aussi dans Ghostwriter de Roman Polanski. Je vous conseille Roman Polanski, très grand réalisateur. Et donc il a joué dans Moulin Rouge, ce magnifique film où un auteur raté son tige d'une pute du Moulin Rouge, joué par Nicole Kidman. Voilà, c'est un super beau film, il y a plein de chansons, c'est trop bien, matez-le. Voilà, donc on s'écoute Elephant Love Medley from Moulin Rouge. Lift us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love.

mais reste d'actualité pour cet été, enfin le tournage je crois. Douglas nous précise, production prévue 2020 à la base, sortie 2021. Et après il donne son avis. Ouais, après il donne son avis, il dit, bon après je suis toujours pas convaincu que ça soit une bonne idée, Douglas. Toujours mieux qu'un spin-off à la Solo, Loyo. Un peu comme HBO qui veulent sortir une série de The Last of Us. Bon, perso, je trouve que l'idée du spin-off Solo était bonne. Après, c'est ce qui a suivi qui était merdique. Parce que le problème avec Obi-Wan, c'est qu'on connaît tous son histoire, sauf le moment où il est en exil sur Tatooine. Tatooine, oh là. Au cœur de l'actu. Au cœur de l'actu, ouais. Chloé, tu lis vraiment tout, commande Douglas Wilson, lui-même à l'antenne dans avec nous. Dans ce cas, dis ce mot... Schilderkröte. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Douglas? Schilder... Ça veut dire torture en allemand. Ah, wow. Schilderkröte. Eh ben... Oh, dis donc, ça nous fait passer. Nous avons quelqu'un au bout du ligne. Au bout du... Et moi, je vais rester 5 minutes à faire ma gueule, je vous laisse parler parce que de toute façon... Alors, nous sommes en ligne avec notre invité de la matinale. Cet invité, on avait envie de la voir pour... C'est un oiseau, c'est un avion. Non, on a envie de la voir pour la dixième de notre émission, évidemment. Pour les deux semaines de la matinale. Cet invité est en ligne avec nous. Invité, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Fanny Ardant? Vous êtes Lizzie Joseph? Non, je ne suis pas Fanny Ardant. Je suis Ophélie Soulard. Oh waouh, directrice des programmes et créatrice de la radio des Bancons. Et ben c'est la première fois qu'on vous a en pleine matinée, comment vous allez? Bah c'est dur de se réveiller tous les jours, mais on est moi personnellement je fais ça depuis 28 ans, me lever tous les jours, c'est pas évident mais on s'en sort. Bah heureusement que vous faites la matinale parce que sinon je pourrais pas du tout me lever avant 11h, clairement. C'est très dur. Surtout cette semaine là, la première semaine de Radio Boncon, je me levais genre à 8h, je faisais plein de trucs toute la journée pour la radio des Boncons. Puis là maintenant que ça s'est bien lancé, bah je glande. Et du coup je me lève à 9h55. Ah waouh, juste pour écouter la matinale. Oui. Oh c'est magnifique, ah, ça le meilleur des réveils là. Alors vous, le matin, du coup, est-ce que ça change votre le confinement? Est-ce que ça change votre morning routine? Alors, j'ai jamais vraiment eu de morning routine, il faut le savoir. Je suis quelqu'un qui change tout le temps de morning routine. J'essaie de m'imposer des habitudes, mais c'est pas mon truc. Donc, c'est comme la cure de sébum, par exemple, c'est un truc qui me va très bien. Je peux très bien me l'imposer parce qu'il n'y a rien à faire. Mais j'ai pas de morning routine. Du coup, là, en ce moment, j'ai encore moins de morning routine. C'est-à-dire que je me lève, des fois je mange, des fois je mange pas. Mais bien sûr, maintenant, ma morning routine, c'est la matinale de Radio Boncon. C'est beau. Et je m'habille... Alors si, j'ai un truc que je fais, c'est que si je me suis pas habillée ou douchée avant le point confinement, ça va pas. Faut que je le fasse parce que ça me met... ça me donne un petit coup de peps. Oui, parce qu'il est 16h quand même, c'est un peu comme si vous alliez au travail, quoi. Il faut... Vous habiller. Oui. Et des fois, quand je suis vraiment pas au top et j'ai une sale gueule et tout, je me maquille pour me donner un peu confiance. Ah ouais, vous maquillez. Et j'avoue que j'ai pas encore atteint ce point où j'ai envie de me maquiller. Mais je pense à un moment donné, ça va arriver. Kéman, il va pas comprendre. En matin, je vais me réveiller, je serai pimpée, maquillée, rouge à lèvres, tout ça. Peut-être que Kéman le fera avant toi. Alors, c'est possible, je suis pas loin. Je demande à voir, je laisse ma trousse à maquillage à proximité, comme ça il pourra me faire une petite surprise. Alors, déjà, il faudrait que je me taille la barbe, là, ce serait pas mal. Là. Mais ça, c'est pareil, c'est. Pour qu'elle était basse, comme on dit chez moi. Et vous êtes plutôt. Quel temps il fait là où vous êtes actuellement? J'ai ouï dire que vous étiez dans le sud. Alors, nous sommes dans le sud, il faut savoir qu'hier il a neigé un peu partout dans le sud-ouest, sauf chez nous. On a vu ça à la télé, mais on n'a pas vu ça en vrai du coup. Et il faisait très froid hier, on avait recueilli trois... Ça y est, je commence à raconter ma vie, mais bon. On avait recueilli trois petits hérissons. D'ailleurs, que Hugo a nommé hier, est-ce que quelqu'un peut retrouver le nom des... Il y avait Tilk. Oui, il y avait Tilk, moi je me rappelle que ça. Tilk, Amon et... Et merde, l'autre ça commence par un B là, c'est... Brian. Non. Et du coup, vous avez laissé sortir les petits hérissons ? Oui, mais alors c'est bête parce qu'il faisait vraiment froid hier. Donc j'espère que ça va, ils ont réussi à... On ira voir ce soir s'ils sont toujours... Parce qu'ils sortent la nuit, les hérissons, donc... Alors Ophélie, on a une question hein, de Zoukozouli. Oui. qui nous demande, Ophélie, ton secret beauté ? Ah, très bonne question. Mon secret beauté, c'est que je n'ai pas de secret beauté. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de morning routine. Je n'ai pas non plus de secret beauté. Ma beauté est totalement naturelle. Voilà. Est-ce que j'aurais presque envie de dire que ce que cette beauté naturelle n'est-elle pas de famille, finalement ? Je ne suis pas sûre. Bien wesh, bien wesh. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Non mais on peut s'écouter un petit morceau puis on va reprend juste après Félicien. Ah Damien, vous aviez une question peut-être ? Là non, j'ai pas de question. Ah excusez-moi. On s'écoute un petit morceau là et puis on revient vers vous après. D'accord. Vu qu'on est à la 10ème émission, on va s'écouter J'ai 10 ans d'Alain Souchon. On extrapole un tout petit peu, mais voilà. C'est aussi parce qu'on est en full régression en période voilà. De confinement. Et c'est parti, Alain Souchon. Super. Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey. Tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey. Tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tarde ta gueule à la récré. Can't climb. Hey. I got you. Et oh les cœurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Et il faut s'attendre à quelques problèmes de circulation ce soir. Avec ce, comment déjà, oui, ce blizzard. Nous sommes toujours sur la radio des bons coups. Et nous sommes toujours en compagnie d'Ophélie. Ophélie, on a plein de questions pour vous. Ophélie, quel est votre... Pardon, vous. Alors, les auditeurs, en tout cas, je préfère vous voyez quand même. Quel est votre Hobbit préféré? Très bonne question et question très difficile également. Est-ce que Mary et Pipin ne vont pas ensemble finalement, j'ai envie de dire? Oui, non, ils vont faire, hein, on dit, mais... alors, j'étais amoureuse de Mary à une époque. Voilà. Bah, en même temps, Mary Haddock Brandebourg a interprété. Est-ce que s'il fête Noël, on lui dit Merry Christmas? Pardon. Est-ce que Mary, c'est celui qui était joué par Dominic Monaghan? Oui. Bah, en même temps, c'est Charlie Dust, quoi. Mais donc, en même temps, tu vois, il y a un truc qui me rapproche de. Il y a un truc qui me rapproche de Pipin, c'est que Billy Boyd, qui incarne Pipin, est né le même jour que moi. Oh. Et j'ai pas beaucoup de personnalités qui sont nées le même jour que moi. J'ai quand même Jack Black. C'est la classe. Là, donc je vais peut-être dire Pipin en fin de compte. Et puis j'ai un selfie avec Pipin, donc voilà. C'est beau. Madame Ophélie, c'est quoi votre secret pour un super déguisement pour le carnaval de Dunkerque? Des paillettes, des couleurs. Et un corps de rêve. Bien sûr. Ça se trouve, la farfouille, ça. Non, il n'y a plus d'espoir pour vous, Damien. Je crois que c'est... Doug, pardon, excusez-moi. Oui, je vois que Doug, sur la conversation, il parle de Bilbo. Je reviens un peu sur le Hobbit, hein. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai pas choisi Bilbo, c'est vrai. Mais alors, Bilbo, Martin Freeman, quoi. Mais après, c'est que les films, ils étaient tellement nuls que... Je sais pas trop. Non, moi je suis d'accord sur Pipin et Mary, hein, c'est bien. Je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes une aficionados du carnaval de Dunkerque, Ophélie? Tout à fait. Il faut dire que c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, qui me colle à la peau. C'est vrai que ça colle à la peau, ce carnaval. Ça colle vraiment à la peau. ça fait du bien. Ça fournit une dose d'énergie pour survivre jusqu'à la route du rock. C'est vrai. Et ensuite, la route du rock me donne une dose d'énergie pour survivre jusqu'au carnaval de Dunkerque. Parce que ce qui est bien, c'est que c'est deux fois dans l'année, mais c'est bien espacé. Donc j'arrive à tenir. Bah, moi, je sais pas vous, mais pour moi, c'était la première fois cette année où j'avais vraiment très très hâte d'être déjà au carnaval de l'année prochaine. Oh bah, on va dire que moi, c'est un peu ça tous les ans. Alors, on a une autre question, hein, de Douglas Wilson qui nous dit, si tu devais donner une couleur à cette journée, quelle serait-elle? Alors, une couleur, faut que je trouve une couleur qui fait travail, flemme et obligation, tu vois. Donc, je sais pas quelle couleur pourrait être, on va dire cacadois. Le vert peut-être, non, j'aurais dit le vert. On est surtout sur l'obligation, ouais, avec le cacadois, je trouve, hein. J'ai pas compris. Bah, je trouvais qu'avec cacadois, ça, on sent plus l'obligation, ouais, que la flemme. Et C'est pour ça que j'aurais dit plus un vert. Non, bah, je vais plus aller vers cacadois parce, d'accord, qu'aujourd'hui, j'ai. En fait, j'ai 1h30 d'émission enregistrée pour une autre radio et j'ai la flemme. Oh merde! Je préfère faire des trucs pour Radio Boncon. Maintenant, ça me saoule de faire des trucs pour d'autres radios qui n'ont aucun sens pour moi. Mais qui vous paye sûrement plus cher que la radio des bons cons. Je ne suis pas payée. Ah. Je suis bénévole. Dame. Je suis au chômage. On vous soutient. On vous soutient très fort. Merci. Sur une note un peu plus joyeuse, Madame Mona nous demande à quoi ressemblerait votre paradis. Alors, très bonne question. Mon paradis ressemblerait à un mélange de carnaval de Dunkerque et de route du rock. Avec tous les bons cons et Métronomie et d'autres groupes que j'aime, une programmation que j'aurais faite moi-même en fait. Mais je me dis que mon paradis c'était un peu la route du rock de l'année dernière parce qu'il y avait Métronomie, la route du rock. Il y avait Typhon aussi, tu vois, des bons cons, donc il y avait plein de choses de paradisiaque et de la bière. même pas de roncier. Si, du roncier. Mais alors en ce moment, j'ai du mal à boire du vin rouge, ça me fait des brûlures d'estomac. Ce serait pas de famille, ça? Bah si, mais alors le vin rouge m'avait jamais fait ça, et maintenant je suis victime de ce fléau, et ça me fait chier. Hein. Ah aussi, ah merde. Littéralement, ouais. Alors il y a Hubert Félix Typhon qui nous dit « Ophélie, une question difficile, vous préférez la route du rock ou le carnaval de Dunkerque ?» Alors, je ne vais pas répondre à cette question, car je ne peux pas répondre à cette question. Ce sont deux choses totalement différentes. Franchement, je ne peux pas répondre. Je préfère même pas essayer de choisir. C'est voilà. Vrai que c'est difficile, c'est très difficile. Est-ce que les auditeurs ont encore des questions pour la directrice des programmes? Ou est-ce que... Posez-moi des questions. Kéman, vous avez des petites questions? Ah non, moi, pas du tout, là. Doug? Bah, moi, j'en ai déjà posé pas mal et je suis satisfait des réponses que j'ai eues. Bah, moi, j'ai une question. Non, j'ai pas de question. Ah bah, allez-y, si, allez-y. Alors, j'ai une question pour... Alors, non, juste une remarque. C'est vraiment incroyable d'entendre ce que vous faites pendant les chansons. Parce que on imagine toujours, on se demande ce que les gens font pendant ce moment-là, et là j'ai pu y assister et ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre les coulisses de la matinale. Je sais comment... Ouais. Parce que moi, mes coulisses, vu que je suis toute seule, je dis rien. Ouais. Oh, c'est triste. Nous, c'est là que le pire se passe, de toute façon. Hein. Si le micro était branché à ce moment-là, on aurait un procès au cul, ouais, je pense, tous les jours. On insulte un peu sans ménager les gens, quoi. Voilà, c'est un peu des diarrhées verbales, quoi. Finalement. Ophélie, j'ai une question. Comment vous sentez par rapport au fait que pendant le confinement, j'occupe actuellement votre chambre? Et que cette émission est actuellement enregistrée dans votre chambre? Ça ne m'étonne guère, on va dire. Après, ça me fait un peu chier, mais il n'y a plus vraiment, il n'y a plus grand chose dans cette chambre. Mais c'est surtout que si vous voyez le bordel qu'il y a dans la chambre de Chloé, vous comprendrez pourquoi elle souhaite cette chambre-là. Oui, je comprends, puis il fait chaud dans ma chambre. Bah c'est oui. C'est la seule chambre où il fait chaud dans la maison. C'est vrai que José a tendance à faire un feu de cheminée et un conduit qui passe directement dans ma chambre, et il fait très, très. Ouais, trop on sent comme un. Bah, il y a le conduit des réactions qui nous arrive directement dans la chambre. Je suis désolé, ça rappelle des souvenirs. Des souvenirs difficiles. Bah, Doug, qu'est-ce que vous faites, Doug? Je me sers du jus de pomme. Vous êtes un peu avec moi là. C'est ma morning routine. En direct. Et ben, on espère que vous n'emmènerez pas votre ordinateur dans vos toilettes le cas échéant. Ah ben ça a déjà été fait, mais vous n'avez rien entendu. Jimmy Copperfield. Jimmy Copperfield. C'est qui? C'est le petit-fils de David? Comment ça se passe? C'est la prédigitation. Mais en tout cas, merci Ophélie de me prêter votre chambrée pendant ce confinement. D'ailleurs, c'est très agréable parce que j'ai tout un... Quand j'ai ouvert votre placard, j'ai pu trouver tout votre stock de perruques et de déguisements du carnaval. Donc je m'amuse beaucoup avec ceci. Voilà. Super. C'est impressionnant. Alors que moi, j'ai pas été fichu de trouver un putain de bandeau pour le mettre sur mes cheveux. Pour cacher ma cure de sébum, j'ai dû mettre un t-shirt. Ah. C'est emmerdant. Voilà. Très emmerdant. Ça veut dire que vos cheveux ont des bras maintenant? Je ne comprends pas. Pourquoi un t-shirt? Non, j'ai pas entendu, pardon. Il demande si vos cheveux ont des bras. Oui. Et c'est cure de sébum. Yes. On est sur une c'est conversation. Le risque. C'est le risque. On va vous laisser, Ophélie, peut-être. Merci. Bah, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir créé cette radio qui fête ses 2 semaines aujourd'hui. Ouais. Merci de nous avoir laissé ce créneau de la matinale et d'avoir été assez indulgent avec nous quand on s'est dit au début « Ouais, on fait 7h-9h !» Non. Ouais, on fait 9h-11h. Non. Moi, dès le début, j'ai dit que de toute façon, avant 9h, ce serait techniquement super compliqué et j'aurais super la flemme, personnellement. Il y a une personne parmi nous trois là qui s'est vachement emballée au début, qui voulait faire 2h hyper tôt, mais... Non, voilà. Alors moi, pour ma défense, j'étais pas là au début, donc c'est pas moi. Ouais. Et ben moi, j'étais là. Mais vu que je le dis, c'est probablement que je veux dénigrer quelqu'un. Moi, j'étais pas là non plus, franchement. J'étais vraiment pas là. Donc, merci à vous, Ophélie, d'avoir créé cette belle radio. Mais avec grand plaisir, chers amis. On vous fait des gros Gilbert Béco, puis ben, on vous reprendra une autre fois, une autre matinale. Bah, super. Et donc, on vous quitte avec une chanson qui, je pense, vous fera grand plaisir, parce que c'est une chanson d'une grande qualité musicale. Elle a tout ce qu'il faut, cette chanson. Elle a le R&B, elle a la soul, elle a des beaux gosses. Je veux bien entendu parler. Je parle bien entendu de d'Elton John avec Blue. C'est Sorry Seems to Be the Hardest World. Sorry Seems to Be the Hardest World. Strikes me. Guten Tag. Buongiorno. Hola. Good morning. T'en veux plus de rester chez moi ? Toujours sur la radio des bons cons, pour la matinale, il est 10h45. Si vous vous réveillez à l'instant et que vous nous rejoignez, merci de nous rejoindre et bon et doux réveil à tous. Doug, comment il est ce jus de pomme ? Eh ben, il est fort bon, fort, fort agréable au palais. Pas trop sucré comme il faut, nickel. Alors, comme tous les matins, Kéman nous parle d'un petit groupe pas piqué des hannetons, j'ai envie de dire. De quel groupe allez-vous nous parler aujourd'hui, Kéman ? Eh ben, on va parler du revival des guitares, on va parler de cette grande époque des deux beats des années 2000 où pendant 10 ans, voilà, les guitares avaient presque été abandonnées, à part quelques rebelles comme Oasis, Blur ou Pulp, de la Britpop en somme, tout le monde avait délaissé cet instrument de musique, et puis, début des années 2000, quelques fils de riches new-yorkais débarquent avec du gros rock'n'roll, du bass, bat, guitare à l'ancienne. Ils s'appellent évidemment les Strokes. Wouhou ! Alors, sans eux, la musique d'aujourd'hui ne serait pas vraiment la même. Alors, on peut évidemment dire, on peut débattre du fait qu'ils aient vraiment inventé quelque chose ou pas. Évidemment, ils se basent sur beaucoup de punk et de post-punk qui se sont faits dans les années 70-80. Mais néanmoins, sans eux, les guitares ne seraient pas revenues au goût du jour. Nous n'aurions pas eu les Arctic Monkeys, les Vines, qu'est-ce qu'on a comme autre groupe, Kings of Leon, tous ces groupes-là des années qui ont ramené le rock dans les années 2000, ceux qui ont ramené les Gene Slim également, aux grandes dames de beaucoup, tous ces gens-là ne seraient pas revenus sans les Strokes. Alors qu'est-ce que c'est les Strokes, fils de what? Ok. On aimerait des précisions sur le commentaire de Zuko Zuli qui traite quelqu'un s'insulte. De fils de prostituée, mais on ne sait pas de qui ça parle. Ah, alors, c'est pas très Charlie. Donc, les Strokes débarquent en 2001, premier album, Eat This It. Alors, avant, ils sortent une petite mixtape qui s'appelle The Modern Age, avec des titres qu'on connaît déjà, Last Night, Someday. Ah, fils de riche, ok, très drôle, ok. Il faut savoir, quand je dis fils de riche, je vais peut-être un peu poser le contexte. Voilà, on a plusieurs. Ils sont cinq, les Strokes. On a Julian Casablancas, guitare chant. On a Nick Valenzi à la guitare. On a Albert Hammon Jr. à la deuxième guitare, plutôt rythmique. On a Nicolai Fretur à la basse. Et on a Fabrizio Moretti à la batterie. Donc, ils sont tous de plein de cultures différentes. Tous américains, certains d'origine française, certains brésiliennes, italiens. On a un beau brassage culturel et tout simplement parce que tous ces cocos-là viennent de Manhattan. Julian Casablancas est par exemple le fils d'une mannequin de chez Elite et du patron de l'agence Elite de mannequinat. Pour vous donner un petit peu un exemple du level, on n'est pas dans du garage rock, de banlieue, voilà. Albert Hammon Jr., le guitariste, et Julian Casablancas se sont rencontrés dans une institution en Suisse, pour vous donner un petit peu le level de comment ça se passait pour eux dans la vie de tous les jours. Mais néanmoins, ils font de la bonne musique, et ils se sont rencontrés, et ils ont commencé à faire du rock assez simpliste, quelque chose qui va tout droit. Pas de prise de tête, couplet-refrain, deux guitares, une basse, une batterie, une batterie enregistrée avec des micros de mauvaise qualité pour donner l'effet d'une boîte à rythme, le chant pareil enregistré avec un micro lo-fi pour donner un esprit garage finalement. Et ça part du coup avec le premier album Eat This It, dont la pochette européenne est donc une main gantée caressant un fessier. Autant vous dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas cette pochette qui a été retenue. On est sur un autre artwork que je vous invite à aller regarder. Car les Américains, ces puritains, ne savaient déjà pas apprécier les leurs. On s'écoute Someday de The Strokes. Someday, someday, yeah, it hurts to say, but I- Alors c'était Someday par les Strokes, donc premier album et déjà premier succès, ils enchaînent assez vite avec Room on Fire, déjà ils font une tournée européenne, donc assez vite hein, pour ce groupe là, d'ailleurs si vous voulez regarder sur YouTube, si vous avez un peu de temps à perdre et que vous voulez un peu regarder ce qui se passait dans le rock dans les années 2000, vous avez le documentaire In Transit, T-R-A-N-S-I-T sur YouTube, où vous pouvez les voir sur leur toute première tournée européenne. C'est assez intéressant hein, de voir les petits budgets aujourd'hui, les Strokes quand ils tournent, ils sont pas aussi relax et détente qu'à l'époque. C'est assez intéressant de voir ça. Donc en 2003, ils nous sortent Room on Fire avec pas mal de bons titres. On n'en passerait pas parce qu'évidemment la discographie des Strokes elle est assez dense, il a fallu faire un choix parce qu'il faut passer que 3 morceaux. Et il y a déjà Whatever Happened qui est dans la BO de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, donc déjà voilà, ça pèse dès le deuxième album. Il y a aussi The End Has No End, one by one, dig and jump around, qui était la musique de pub, je crois que c'était c'était EDF, je crois, qui avait pris cette pub. Ouais. Et c'est comme ça que moi personnellement j'ai découvert les Strokes, grâce à EDF. Donc comme quoi, hein, mis à part envoyer des factures tous les mois pour me saigner à blanc, ils font des choses bien EDF, faut croire. Donc pareil deuxième. Comment? Ils avaient du goût à l'époque. Ouais, mais ils avaient du goût, ouais, ça c'est clair. Donc voilà, clairement, le deuxième album 2003, Room on Fire, on reste sur la même recette. Donc une batterie qui est enregistrée, alors voilà, spécifiquement, ils demandent à leur production de donner un effet de boîte à rythme, comme si elle était électronique, mais la batterie est bien bien jouée par Fabrizio Moretti. On reste sur les mêmes recettes qui marchent, hein, même type d'accord de guitare, même basse et même chant un peu saturé de Julian Casablancas. On est encore sur un groupe soudé qui fonctionne bien et qui sort en 2006, First Impressions of Earth. Là, on ouvre un petit peu plus la production, on sort un peu du lo-fi, il y a des morceaux plus originaux, il y a des plus gros solos de guitare, on sent que c'est l'album de la maturité. C'est souvent le troisième album hein, qui prend un virage en général en termes de production. Ça se passe bien entre nos quatre cocos, ce sont des superstars, ils font tous les gros festivals à travers le monde. Maintenant ils ont inspiré des tas de groupes à ce moment-là. Voilà, de toute façon, à part en 2006, on a déjà des Arctic Monkeys qui sortent des premières tracks qui eux-mêmes vont devenir les Strokes du Royaume-Uni finalement. Ça y est, la marque Strokes est assurée, la trademark Strokes est assurée, et on part sur des chansons parfois un peu dark avec la voix de Julian Casablancas qui déraille pas mal. D'ailleurs, sur cet album, il se pousse pas mal à bout. À la fois, c'est lequel l'album de la maturité pour Christophe Maé? Eh ben, on l'attend toujours. Peut-être que la maturité pour Christophe Maé, ce serait de ne plus produire d'album. Vision of Division, on sent que l'expérimentation en composition commence à les titiller, même si on garde cette classique patte des Strokes. On va pouvoir jauger de ça par exemple avec le morceau You Only Live Once, qui garde cet esprit de composition. On sent dans la production que c'est un peu plus ouvert. On sent que la qualité du son est plus propre, qu'ils ont voulu tenter autre chose que enregistrer avec des micros cheap qui donnaient cet esprit un peu punk qu'ils pouvaient avoir. Là, on commence à arriver dans de la plus grosse prod, parce que maintenant les Strokes, ça y est, c'est les Strokes. Voilà, et c'est ce qu'on disait là hors antenne, mais c'est vraiment, quand on écoute ce morceau là, on se retrouve directement au lycée, collège, enfin, on se revoit tout jeune, ça fait beaucoup d'émotions. Et malheureusement, voilà, 2006, First Impression of Earth, donc vous entendez là-dessus, la batterie elle est tout de suite un peu plus ouverte dans le son, on n'a pas cette impression qu'elle a été enregistrée dans une toute petite pièce exiguë avec le même micro avec lequel on fait notre matinale. Voilà, on sent qu'ils prennent un peu d'envergure les cocos. Et malheureusement, après 2006, c'est là que ça part un peu en vrille pour les Strokes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est quand même Julian Casablancas qui chante seulement sur scène, mais qui compose quasiment... qui amène les morceaux à la base. C'est un super pianiste, un super producteur, malgré le fait qu'on le voit seulement caché derrière son micro en concert. C'est lui un peu l'artificier des Strokes. Et ça commence à amener des tensions dans le groupe, d'autant qu'il a un bon lever de coude, comme on dit, et il a des bonnes tendances à s'attarder sur la bouteille. Donc ça devient un peu compliqué pour le groupe. On a un petit hiatus là pendant 5 ans, il ne se passe pas grand chose pour les Strokes, même en concert, c'est un peu compliqué de les voir. D'ailleurs, à partir de là, hein, vous pouvez regarder hein, des vidéos sur YouTube, taper des tapés concerts, Strokes, Drunk, enfin Jeanne Casablancas, vous avez plein de vidéos où Casablancas ne peut pas vraiment finir son concert, gérer ses morceaux comme il le devrait, où ça part un peu en sucette, parce que il picole comme un trou, quoi. Et en 2011, les Cocos reviennent avec l'album Angles. Alors, pour tous les fans qu'on était, voilà, on a tous grandi, on a tous eu notre bac, et là, d'un coup, on se retrouve à la fac, et là, on nous reparle des Strokes, on commence à s'enflammer, ils nous sortent un ou deux titres. C'est un album qui m'a beaucoup moins fait vibrer, d'ailleurs, on va pas s'écouter de morceaux de Angles. Je sais pas si cela explique le fait que cet album, en tout cas moi personnellement, m'a moins touché, mais quand on regarde des vidéos, quand on a des interviews qui parlent de l'enregistrement de cet album, on se rend compte qu'il y avait une grande tension dans le groupe, que les musiciens se croisaient pas beaucoup en studio. Alors c'est un album où ils ont tenté de composer à 5, donc déjà il y a une bonne chose, seulement Jeanne Casablancas n'a jamais taffé en studio avec les autres, clairement. Y a même Nick Valency, donc le guitariste soliste, qui explique qu'il y a des moments où il venait en studio tout seul, il enregistrait sa partie de guitare et il repartait, et que pour lui c'était extrêmement violent émotionnellement et assez triste. Donc c'est pas un album qui restera dans les mémoires, même si bon, les Strokes ont déjà leur nom, donc ouais, ils se voient quand même bien. Et en 2013, ils reviennent avec Calm Down Machine, qui est un album que tout le monde ne va pas forcément adorer ou auquel va adhérer, mais on a le mérite là d'avoir un groupe qui prend des risques avec des changements. Et là, Casablancas se met à chanter avec le falsetto, donc la voix de tête, la petite voix aiguë qu'on prend comme ça, qu'il avait déjà expérimenté avec Daft Punk sur l'album je sais plus lequel, mais... Comment s'appelle cet album-là Ah oui, c'est vrai qu'il a fait un son avec... Ouais, et il a chanté là-dessus, et avec les Daft Punk, il a expérimenté sa voix de tête, et c'est là que ça lui a fait prendre un virage, donc dans Calm Down Machine, l'album sorti en 2013, toujours sur la grosse major RCA, le gros label RCA, donc là-dedans, on retrouve des petites voix de tête, il y a des morceaux hyper intéressants, et pour le coup, un peu plus... qui sortent de ce côté basse, bad, guitare, batterie, les synthés arrivent. Voilà, on est sur un truc plus original. Niveau concert, blackout, pas de concert pour promouvoir cet album. Il y a plein de morceaux dont on verra jamais en version live, ce qui est un peu frustrant pour les fans qu'on peut être. Je crois qu'en 2015-2016, ils refont des tournées. Mais là encore, on peut voir un Casablancas parfois extrêmement aviné sur scène, au point de pas gérer ses morceaux. On sent que la communication dans le groupe, que l'échange sur scène est un peu tendu, que c'est un peu compliqué. Et Blackout depuis 2013. Alors il y a bien une sortie d'EP avec 4 morceaux qui s'appelait Past, Present, Future, qui était assez intéressant. On revient au classique des Strokes, mais voilà, derrière pas de promotion non plus, pas de grosse tournée, donc quid. Et là les Strokes en 2020. Grosse tournée, ça repart, ça sort de nulle part, ils vendent leur Zénith, ils annoncent ça un mois à l'avance, le Zénith à Paris, et ils le blindent, mais comme jamais, tout le monde se bat. Ça ressemblait à Get Lucky, ce que t'as marmonné? Oui, c'était l'idée, hein, que ça ressemble vaguement, à partir du moment où vous l'avez reconnu, ça va, j'aurais pas un... C'est pas sur Get Lucky qui chante, c'est sûr. Non. Oui, ouais, mais c'était là, je cherchais le nom de l'album, mais oui, effectivement, c'est pas lui qui chante, non, c'est Pharrell Williams quand même. Oh, hein. Et donc, le 10 avril, donc tout bientôt, sort le 6e album des Strokes, The New Abnormal, avec une pochette qui reprend un travail de Jean-Michel Basquiat. Donc, très intéressant picturalement. Il y a déjà 2 morceaux qui sont sortis, donc le morceau Bad Decisions et At The Door Bad Decisions, qui est vraiment un Strokes classique. Donc on va pas le passer parce que ça vous montrerait pas tout l'éventail des Strokes. Par contre, le morceau At The Door montre un peu le travail que Casablancas a pu faire entre-temps avec son projet solo, Julian Casablancas and The Voids. Je vous invite à écouter, c'est super barré. Et voilà, entre-temps, Casablancas a monté son propre label. Il a récupéré des groupes comme The Virgins qui n'existaient plus vraiment sur la scène. Son label s'appelle Cult Records. Et il a produit certains groupes, et dont son propre groupe, The Voids. Et donc, dans ce morceau, At The Door des Strokes, on sent vraiment le mélange de sa propre influence, de son travail de synthé et de production, et le classique Strokes qui revient sur les refrains dans les guitares. Donc voilà, pour info, pour ceux qui ont pu aller à Paris ou qui ont loupé le concert de Paris, les Strokes sont bien revenus. La place coûtait 60 balles, ils ont joué une heure, on commençait avec une demi-heure de retard, parce que Casablancas s'est battu avec ses petits camarades dans les loges. Voilà, donc ils font toujours de la bonne musique, on les aime toujours pour ça, mais je crois qu'il faut faire son deuil sur le fait que c'est un groupe encore de copains qui s'aiment énormément. Mais c'est pas grave, parce qu'ils font toujours du bon son, et du coup on va s'écouter ça, At The Door. Et on va repenser au moment où on était jeune adolescent et au moment où eux-mêmes étaient jeunes adolescents et ils étaient encore copains. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Et voilà, c'était donc At the Door des Strokes. On vient de se regarder des petites photos là sur Google Images de Julian Casablancas. Vous pouvez voir son évolution sur maintenant presque 20 ans, où il est passé de petit minet mignon, inspiration des bébés brunes, à punk à chien qui fait une cure de sébum depuis 10 ans. Ça montre un petit peu quel point il a pu tomber dans nos cœurs quand même, cet individu, même s'il fait toujours de la bonne musique et voilà. On arrive à la fin de cette émission. Oh non. Bah oui, mais il est temps d'aller fumer une petite garo. Surtout que vous nous racontiez le film que vous avez vu hier. Ouais, alors on vous laisse un petit peu de temps là pour aller sur comme le Facebook. Voilà, le Facebook. Sachant également que on a rajouté sous les conseils d'un auditeur qu'on embrasse. Si vous êtes actuellement sur le Discord, vous pouvez voir juste sur le côté au niveau des salons, il y a écrit Info Pratique. Vous pouvez retrouver tout sur le côté dans Info Pratique, où vous avez tous les liens utiles pour la radio, notamment la page Facebook de la radio. Donc on vous rappelle, hein, on vous ouvrait une page Facebook avec la radio des bons cons. Vous allez sur la dernière publication de la radio, il s'agit de la tête de Tata Lolo au réveil. D'ailleurs, nous vous encourageons à nous envoyer vos petits selfies du matin, hein, si vous voulez avoir la chance d'un matin de peut-être atterrir sur la page Facebook. Et vous vous tenez prêt pour le film de Kéman. Alors hier, c'est Elsa qui a gagné. Malheureusement, Elsa est en réunion là actuellement. Elle nous a pas transmis sa dédicace, donc c'est pas grave, hein, elle pourra nous la transmettre. Peut-être que par procuration, Doug, vous pouvez nous faire une dédicace by proxy. Ah non, oh là là, et moi je ne vole pas le droit à la dédicace. Non mais bien sûr, demain elle aura droit à sa vraie dédicace, mais vous faites un substitut de dédicace aujourd'hui. Non mais on lui enlèvera pas ça non plus. On n'est pas des bêtes. Du coup, une dédicace à tous les collégiens du collège Georges Pompidou à Chantosseau. C'est vrai, ouais. Que c'est quelque chose qu'Elsa aurait fait. Exactement. Ah c'est beau. Alors vous êtes chaud sur votre Facebook? J'espère Facebook, que vous êtes Facebook. Tous très chaud. Taqué. Alors, hier j'ai vu un film, c'était une fresque sociale. Bah quoi, pourquoi vous vous marrez déjà, j'ai rien dit. Le pire c'est que c'est vrai. Oui, c'était une fresque sociale, plutôt social bourgeois quand même, on va pas se mentir, hein. Voilà, on était dans un... c'était une bande de copains, une bande de potos, de potes. Mixte, mais comme dans le cinéma, beaucoup, il y avait quand même beaucoup plus de mecs que de femmes, hein, on va pas se mentir. Ça dénonce. Et du coup, c'était un peu... les bandes de copains, quoi. Il y a machin qui veut pécho machin, il y a machin qui dit pas ça à machin, et puis il y a machin qui... Enfin, tout le monde a des secrets entre les potes, quoi. Il y a beaucoup de machins, quoi. Ouais, bien vu, évidemment, mais je vais pas dire les noms des mecs, parce que je me rappelle pas, de toute façon. Ils étaient sur Paris, bah comme beaucoup dans le cinéma, parce qu'on a l'impression que quand on regarde le cinéma, de toute façon français, ils habitent tous à Paris, les mecs. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? C'était des copains, il y en avait un qui sortait, ils étaient amoureux de la fille, et les autres, je savais pas. Il y en a qui savaient, il y en a qui savaient pas, c'était un peu compliqué, hein, fallait suivre. Et les mecs se retrouvaient, c'était compliqué, je sais pas comment ils se retrouvaient là-dedans, mais bon, le classique traquenard, ça nous est tous arrivé finalement. Bien tenté, Pipa, t'as peur, lol, mais non, ce n'est pas lol, mais bien tenté, pourquoi pas. Et donc ces mecs se retrouvaient comme ça de but en blanc à vendre de la weed quand même. Et tu te dis, bah oui, bon, c'est vrai que ça nous est tous arrivé à un moment de perdition, à un moment paumé, de vendre de la weed. Enfin, moi, je me suis surtout retrouvé à en acheter. donc voilà, c'est un peu, évidemment, embrouille sur embrouille, quoi. Bah oui, de toute façon, la drogue, ça amène toujours des problèmes. Je préfère vous le dire, chers auditeurs, ne fumez pas, ne vendez pas, n'achetez pas, parce que sinon, vous allez finir dans un film de comédie française. Donc déjà, très, très risqué. Alors oui, mais moi j'aimerais. C'est très gentil hein, de votre soutien par message Facebook, mais moi j'ai besoin du nom parce que ce qui m'énerve c'est que je me rappelle pas du nom du film, alors à un moment c'est bien beau de... voilà. Donc c'était un film, voilà, je suis perdu. Il y avait un chien aussi, non ? Ah, il y avait un chien, bah oui, évidemment, c'était des copains, ils ont un chien classique, quoi, on a un animal de compagnie, on est trop potes. Ah ouais, parce qu'à un moment, les mecs, je crois qu'ils habitaient tous ensemble, ils avaient un chien, quoi, voilà, classique. Moi j'avais un chat quand j'habitais avec mes copains, mais pourquoi pas, écoute, quand on a les moyens d'avoir un chien à Paris, bah vas-y, hein, bah, pauvre animal par contre, hein. Après je veux te dire, quand tu dois le sortir et tout, en plus, ah putain, moi ça me ferait trop chier de tout le temps ramasser sa merde. Oh, on a un gagnant, et un tu gagnant, je sais pas finir, comment... Ouais, je veux le finir, je veux le finir. Bah ouais, c'est ça, bah il y avait, le jeune beau gosse de l'Académie française, là, petit con, là, putain, lui, il m'énerve, parce qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien voir sa vie, enculé. Et en plus, c'était, enfin, franchement, ce film, il aurait pu s'appeler Problème de riche, parce que les mecs, ils ont pété de thunes, ils ont un appart de ouf dans Paris, genre, machin, je crois que, en plus, j'ai fait le calcul, je crois que le loyer était vraiment à 6000 balles. 6000 balles par mois, ouais, c'est ça ouais. Et les mecs, oh bah merde, on a pas de sous pour payer notre loyer à 6000 balles, si on vendait de la weed. Non, mais mec. Mais mec, et moi j'ai pas de thune pour payer mon loyer à 300 balles et j'arrive à me débrouiller sans vendre de la weed. Trouve un boulot comme tout le monde, fais caissier chez McDo et puis arrête de vivre dans 200 mètres carrés l'île de la cité, trop du cul. Putain! C'est juste pour vivre ton rêve de. Mais ouais, bah évidemment, quand on s'appelle Pierre Ninet, on a un gros boulard et puis on a des envies de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, comédie française. S'il vous plaît. Donc oui, effectivement, merci Théo, CLLS, Richard, c'était bien Five, le film que j'essayais de faire deviner. Avec Fanny Ardant. Ah oui, effectivement, avec Fanny Ardant qui fume des pétards quand même. Hein. Ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses concernant Fanny Ardant, c'est ce qu'on s'est dit hier soir quand on l'a regardé avec Chloé. Donc félicitations Théo Richard, vous avez bien mérité votre dédicace demain dans l'émission des bons cons. Donc demain vous aurez votre double dose de dédicace puisque notre chère Elsa aka c'est pas ma cam pourra faire sa dédicace également. Bah qu'est-ce qu'on fait, on en reste là? Qu'est-ce que hein? Bah ouais, bravo Théo, hein, tu nous enverras un petit message. Désolé Pimpin, tu as été un petit peu trop en retard. Hein, ouais, c'était bien le film. Loin, ouais. C'était bien tenté, t'étais vraiment pas loin. Mais le film avec Pierre Ninet, c'est un peu lège. Ouais. Je jalouse Pierre Ninet, autant on peut pas lui enlever le fait qu'il a fait plus d'un film, quand même, on va pas se mentir. Ouais. Qu'il a même gagné des Césars pour certains films. Ah ouais, carrément. César du meilleur acteur pour son interprétation de Yves Saint Laurent. Ah bah oui. Mm. Et je sais... Oui, c'est oui, d'accord. Oui. Dans c'est celui-là. Il roule des pelles à Guillaume Gallienne. Oui, c'est de ça. De la ouais. Comédie française. Non, bah tiens, bah, ça se roule des pelles à la Comédie française. Hein. Je peux vous dire que ça fait pas que ça. Hein. excusez-moi, c'est la rancœur qui parle. Et ben on va se dire au revoir là-dessus. Bah tout à fait. Un dernier mot, mon cher Doug, qu'est-ce qu'on. Eh ben j'espère que vous allez passer une agréable journée. J'espère qu'on a réussi à vous motiver pour aujourd'hui. Puis on vous retrouve demain. Et moi je voulais dire, j'espère que vous allez passer une agréable journée et que nous avons pu vous motiver. Et moi j'aimerais dire que j'espère qu'on a pu vous motiver. Oui. Laissez la police faire son travail et dès que nous aurons plus ample. Comment il listen, l'aide de police do the job. Et voilà, c'est la fin du mois de mars. On se retrouve en avril, les cocos, toujours en confinés. Avril, mais... Ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en juin, on sort tous dehors, fin en fait. Et d'ailleurs. Je tiens à dire que demain, on rentre dans le. Et dans le 0420, donc c'est le mois de la fumette. Oh, d'ailleurs, un message à tous les dealers, s'il vous plaît, nous sommes à court. Nous sommes à la Rouxière, nous sommes intéressés. Voilà, si voilà. Vous livrez, ou si on peut se retrouver place de l'église à la Rouxière éventuellement, s'il vous plaît. Nous n'avons plus de weed, nous avons commencé à nous entretuer et à nous entre-dévorer d'ici deux jours. Fournissez-nous. Et pour aidez-nous. Finir cette journée, n'oublions pas notre chère Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Et on va s'écouter le douanier Rousseau pour finir de bonne humeur. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter. Vous embéguinez, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan. un jardin merveilleux, un spectacle permanent, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y a des poissons tropicaux plein de piquants sur le dos. Oh oh oh oh oh oh. Vous le voulez, on ira canoter sous les palais du biais. Aucun danger, on peut se baigner. Là-bas, les crocodiles sont bien intentionnés. Au clair de la lune, dans la forêt endormie, des ombres félines se dessinent par magie. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y'a des soleils de feu cachés dans les roseaux, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Y'a des petits singes amoureux qui jouent les Roméo. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, c'est un vrai paradis. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y'a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y'a des poissons tropicaux plein de piquants sur le dos. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y'a des soleils de feu cachés dans les roseaux. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. La radio des bons coups, la radio des bons coups finis, mais pas finaux. La radio des bons coups.